C'est entre Mohamed Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. C'est avant l'âge du pays, ils veulent donner des ordres, être les vendus qui obéissent. Dans les garçons s'éternisent, on fera pas valer du rare. Réputation sternise, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je m'énerve pas après, je m'en irai. Vivant, libre devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend l'histoire. On s'en fait tard, les qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille ensemble, on rentre en France. On les tient là-bas, les Sokovia, t'as un Husni. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Connais le phénomène, ça rend toujours élégant. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, on te sent bien dans mon temps. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît, je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ case. À fond dans la caisse, à fond dans la caisse. J'ai les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes, appelle-moi pour un fif. Appelle-moi pour un fif, ton vélo fait l'éléphant. Tout le fait lever la poule, bouge qu'on va sortir les pouces. C'est pas mon chat chez nous, je te donnerai bien mon phone. Mais ton père me regarde chelou. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Faut pico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, t'es la diff. Oh, mon lit, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui c'est bon, t'es taïf. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au matos, t'es gentil, t'as la bimine. Non bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris, yeah. Me fais pas croire que t'es fatigué. Qu'ils ont platine, t'as validé. Du gros son, c'est les bonnes idées. On arrive, tu veux pas rier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. J'les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça fait à moi, allez, allez, allez. J'crois que j'vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Bientôt le collège, oui. Ou bientôt le collège, oui. Y'a bien, bientôt le collège, what else? Quoi d'être, hein? Ou bientôt le collège, oui. Bientôt le collège, ah bah. Ou bientôt le collège, quoi Memma wo nipe biye mbu wa bonfia. Ahon popro mo yenye na bu huntia. Oye wo tamfo jano mandimbia. Yambu wa mu amunsi na bu mpia. Se wupe mu anyo menyi na edi. Nana nyame ni ya wakano nebebe mo. Te wuma usa swabi ponyi ne tutu. So my body don't lose God. Kan wako ma doye. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Let's go. Let's sing, oh. Chou Tanger, la beauté marocaine, c'est s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh,

c'est DJ Case, DJ Case. منهم من العينين عليها نخاف خمسة خموس عليها الله يسترها من العين وهي مولانا عمري عندها لا طي والزين وهي مولانا Everybody time to party come on hit the floor no time If you wanna feel the music you can say it alone Tu peux ramener, mais mes potes m'ont dit t'as un bruit d'idée. Au

vie. Suprême. Minuit, 2h, DJ Kayst ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Hey, no, no, no, no.

Rail Suprême sur Skyrock. Bientôt le collège. Oui. Ou bientôt le collège. Bientôt bientôt le collège. What else? Cordé. Ou bientôt le collège. Oui. Bientôt le collège. Ah bah. Ou bientôt le collège. Cordé. Emma won't be baby and boa bonfia. I hope a promo yen yen abu huntia. Or ya what time for jar no man in via. Yamwa mwa munsina bumpia. Sabu pemu anyo menina edi. Nana nyameni ya wakano nebebe mo. Tawuma usa swabi ponyine tutu. So my party don't lose God. Kawa koma doye. Everybody sing it hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it hallelujah. Hallelujah. Tu connais le phénomène, ça rend toujours les dégâts. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon cœur s'en vient en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ case. A fond dans la case, à fond dans la case. A fond dans la caisse, à fond dans la caisse. T'es les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es poudelle. Par les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous fais lever la foule. Bouge ton bassin tous les foules. C'est comme ça chez nous, je te donnerai bien mon phone. Mais ton père me regarde chelou. Si c'est Rail Suprême. Direction de bled, c'est validé. Habiba bien, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd moi, allez, allez, allez. Je pense que mon année, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Civilisé en même temps très coquine. Oh, viens par là que je t'explique copine. J'ai des projets pour toi, oui ma frangine. Aïe, señorita. Ta manière de faire me rend plus vital. Oh, oui c'est official. Sous cette chaleur, rien de je ne vis ça. Hey, yeah. Señorita. Señorita,

frapper mon image. Fikiti, fikiti, à la shit, mele. Fikiti, fikiti, à la shit, mele. Oya show, akawara, alla bebe bea hazara. Oya show, akawara, ali yomba tibo la khis. Fujibé, oya sfero bambe yekeme. Birim, ho, la pechebe. Oya kolo kusu kusu salama la bouye. Oya hakili lini fi. Oya hakili lini fi. Oya hakili lini fi. Oya hode le banana. Rail suprême. C'est Rail suprême sur Skyrock. Pose-moi la balle que je tire le péno. Un peu comme Swagman, j'ai touché le kéno. Ma vie c'est les boîtes choquées et téno. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans ma surface de réparation? Attention, sinon ton boule va me réclamer des réparations. Je gère tout seul l'opération. Dans leurs yeux je vois de la frustration. Oui mais pardon, si je fais du bif à la base ce n'était qu'une passion. Je me la coule douce sous le sunshine. Je passe à la banque changer mes punchlines. Je me tape des barres, je regarde des vannes. Quelque part en Espagne dans une villa design. Vamonos. Justin Sun, t'as ça toi la prod. Hey, est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? Tu dois longer les murs dans ton checker. Viens pas faire le gros bras ici, on va t'agar. Sinon nous on se plaint pas, demande à Philippe. Attaque aux seules conditions physiques. Toujours attendre d'avancer Paris. Champion en titre, combien tu paries? Combien tu paries? Ah, Serge Aurier, cisaille les petits. Prends-toi un carton pour sauver notre équipe. Et j'ai dit cisaille les petits. Ah, découpe-moi le petit. Paris c'est ma maison, l'Arc de Triomphe c'est mon coussin. Nadine Morano a raison, j'suis pas français, j'suis parisien. Les Champs-Élysées, t'as ça toi? L'Arc de Triomphe, t'as ça toi? Le Trocadéro, t'as ça toi? La Tour Eiffel, est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi, t'as ça toi, t'as ça toi, est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi, t'as ça toi, est-ce que t'as, est-ce que... Ça sort, ça sort, hein. Rail suprême, minuit, 2h, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Oui, j'ai traîné, j'ai donné, le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de jacquel pour me quitter. Je frappe dans la cité, ça prend du chute dans la belle. Et ramener, c'est toi qui fais le mac au final, tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en bouillie. Au pire, je mets un masque sous le casque AGB. C'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ceux anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en crête, y'a des mecs comme ça. Que des délitudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Mais j'ai tant de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des beaux mecs à lui. Et j'gamberge, j'suis plus, j'suis plus. Si on fait en boîte, normal. Comme du tabac, normal. Pas la charge, normal. J'suis ma drogue, normal. Sans garde, c'est normal. C'est la plage aujourd'hui. Tu reviens ou quoi? Bouge-toi. Ah ouais, j'ai envie d'apprécier. Vas-y.

Aïcha, Wendy, Nathalie, Kéchanki, Wendy, Sayyid, Hayat.

font tout pour que vous les regardiez. La crime, la J. On veut délover, délover. On n'a rien à prouver. Trop qui sont mauvais, qui rêvent de me crever. Danse comme un chat, oui. Danse comme un cabine. Danse comme un oranais. À la fin de la soirée, c'est celui qui a bu le plus qui veut vous ramener. Rail Suprême, minuit, 2h, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Don't wanna lose you, I'm lost in dreaming.

deux heures. Rail suprême. C'est Rail suprême sur Skyrock. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je faillage contre la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste, le platine, c'est DJ Kaist. Je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichons. Avec Aïcha Andisha. Du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazous pour pas flancher. Bilel, la PCR, le temps que je fasse mon petit marché. Direction port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bâton, tu sais, c'est pas un cadeau. Et qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Rideau? Avec Jaya City, du haut de ma montagne. Avant de je fais un petit détour par Warlan. De toute façon, dès que la famille aime, t'entends, y'est pas la vie parfois, je sais pas, j'essaie de rester vrai. Par chez moi, c'est où tu es, où tu vois. Ils nous jugent mal parce qu'ils sont vifs, là pourquoi. Ils savent ce qu'ils font, ils veulent savoir. T'as pas l'impression d'avoir déjà vu ce qu'on est en train de vivre. C'est comme quand les femmes font les mêmes trucs que nos ex. Il est dur d'avoir l'esprit sain. L'ambiance est malsaine, c'est le même délire partout. La même ambiance à Marseille. Certains sont gays, d'autres sont écrits. Laissons faire nos instincts, vu que nos destins sont écrits. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock.